Bon vendredi soir, je m'appelle Jean-François Lusignan, bienvenue à l'émission Le Terminus, une émission qui vous fait jouer du rock indépendant, mais du rock, donc qui déménage un petit peu. Je vous donne des exemples de ce que vous allez entendre ce soir. Il va y avoir du Dirty Neil, du Hospital Ships, Coup Coupé, Owl, et oui, également du Sugar and Tiger, et aussi du You, Me and Us, et plein d'autres choses que vous devriez aimer, enfin, je crois. Et la liste des chansons qui jouent pendant l'heure, elle va se retrouver à la fin de l'émission sur le CISM893.ca. Comme d'habitude, on va commencer comme encore une autre habitude qu'on a commencé à établir depuis le début de l'été. Un premier segment estival avec d'abord Cayucas qui font une espèce de pop rock, un peu comme Vampire Weekend avant de sortir leur dernier album. Alors, ils étaient en spectacle également à Montréal mardi dernier, ces Cayucas-là. Donc, il est trop tard pour les voir ici en ville en tout cas. La tournée, je crois, elle continue sur la côte est américaine. On écoute donc une chanson tirée de leur tout premier album, Bigfoot, Cayucos de Cayucas, sur les ondes de CISM. Staring at the white cube of the room.

C'était Field Mouse avec Tomorrow is Yesterday, une chanson qui est sortie quelques mois avant un premier album qui devrait sortir plus tard donc cette année. Pour cette formation-là de Brooklyn, Field Mouse, ne pas confondre avec Field Mice qui est vraiment d'autres choses. Et juste avant, c'était les Parisiens de Team Ghost avec Dead Film Star et leur premier album. Eux aussi sont encore dans les premiers albums. Le premier album de Richard Halls est sorti au mois de mars dernier. Et pour la chanson que vous avez entendue, il y a un super clip qui a été réalisé avec, en fait, c'est vraiment un film, un court-métrage réalisé pour accompagner cette chanson-là. Je vous invite à aller la voir sur YouTube. On va continuer avec The Dirty Nail et une chanson qui figure sur un split qui vient de paraître et qu'il partage avec la formation Northern Primitive. Et les Dirty Nails sont d'Hamilton en Ontario. Ils font du rock assez pesant, là, à tendance grunge sur les bars. Alors voici Zombie Hide sur les ondes de CISM. Attention, ça va brasser. We'll be right back. Certainty de la formation Procession, une chanson extraite de l'album Your Turn to Feel qui est disponible sur la page Bandcamp du groupe. Et c'était précédé de Pity Sex et Flower Girl. Et le groupe du Michigan a un nouvel album sorti il y a environ 2-3 semaines si ça vous intéresse. Mais la chanson qu'on a entendue, elle se retrouve sur un EP qui est sorti l'année dernière et qui s'appelle Dark World. On va maintenant entendre une autre nouveauté, cette fois-ci de Hospital Ships. C'est leur album Destruction in Your Soul qui paraissait il y a 2 semaines. Je crois qu'il était même en écoute sur le site de Pitchfork. Super intéressant si vous ne connaissez pas. Je crois que ça existe depuis quelques mois déjà sur le site de Pitchfork, une section qui s'appelle Advance, sur laquelle vous pouvez écouter des albums au complet. Donc en écoute, il y a souvent un support visuel, des petites vidéos qui accompagnent ça pour mettre dans l'ambiance de l'album. Donc c'est très intéressant pour découvrir certains nouveaux artistes plus indépendant, plus en marge de ce qu'on entend ailleurs comme à CISM. Pour revenir à Hospital Ships, donc, ils font une espèce, donc je le disais peut-être, d'indie rock assez accrocheur. Ils ont été comparés par plusieurs critiques même à Flaming Lips à leur début. Donc ce sera à vous de juger si ça tient la route, cette comparaison-là. Ce sera la chanson If It Speaks et ce sera suivi de Coup coupé avec un cerf affolé qui s'enfuit. Et tout ça, c'est sûr, c'est à l'émission Le Terminus. I'm not going to do that. Un classique de 1991, l'original Baby Doll de Hole, le groupe culte, en guillemets, de Courtney Love, groupe que Courtney aura quand même traîné jusqu'à l'année dernière. Elle devait, dans les dernières années, produire du matériel sous son propre nom, mais finalement, ça nous avait donné encore récemment un album sous le nom de Hole. Eh bien, c'est l'automne passé, c'est ça que Courtney Love a annoncé, que le prochain album sur lequel elle est en train de travailler va sortir sous son propre nom. Donc, c'est à suivre du nouveau matériel à venir pour les fans de Hole et de Courtney. Et dans le dernier segment, vous avez également entendu la musique de Kokupé et également de Hospital Ships. Ça, c'était vraiment au tout début du segment. On va commencer, mais en même temps, ça sera seulement un segment d'une chanson. Ça va être Protofiev avec Au Trouble. C'est leur première chanson qu'on tournait à CISM l'année dernière et je suis vraiment déçu parce qu'ils étaient supposés faire une performance acoustique au Francofolie il y a deux semaines en dessous de la tente de CISM, là, sur l'esplanade de la Place des Arts. Finalement, ça a été cancellé en raison du mauvais temps et j'imagine qu'on aurait entendu à ce moment-là des nouvelles chansons du groupe. On en a seulement deux jusqu'à maintenant à se mettre sous la dent. Alors, c'est donc, j'imagine, partie remise pour un prochain spectacle de Protofiev. En attendant, on écoute leur chanson, donc « Au trouble ». Sur les ondes de CISM. Protofiev, Au trouble. On continue maintenant avec un doublé féminin qu'environ une vingtaine d'années s'épasse. Vous entendrez les Anglaises de Betty and the Werewolves. Les Loups-Garous et leur chanson David Cassidy qui est sortie en 2010, mais tout d'abord de leur album Come Out, Come Out sorti en 1994, voici Cobb avec New York City à l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. Yeah. it's tricking me and I can't seem to not believe. David Cassidy, your magic's worked its trick on me and I can't seem to not believe. David Cassidy, your magic's worked its trick on me and I can't seem to not believe. David Cassidy, your magic's worked its trick on me and I can't seem to not believe. But it's never every wall, I count them up to see if I fall, and if I ever fall asleep, I know it's you and dreams on me. Je navigue entre bière et chien-loup. La guillotine a cessé de fonctionner l'année de ma naissance. J'ai grandi en élevage bovin, moitié branlette, moitié guilux. Puis je suis devenu le contraire de la modestie. Pendant que tu riais bêtement, je faisais croire au monde entier que je dévorais Kant. Après avoir bu 2 litres d'eau bénite, je suis venu vivre pas loin de chez vous, à quelques rues d'ici, près d'un vieux pont humide. Et depuis, je fais la tournée des rades. Bonsoir, je suis Gontard. Aujourd'hui, je navigue entre bière et chien-loup. Et vous, que voulez-vous? Dans les chansons qui suivent, des fouilles merdes, il y en aura. Des amoureux SNCF aussi. Une pointe de tristesse contemporaine et des week-ends à Rome. T'en auras tordu des deux. Pour toi, toute seule sous parapluie. Alors crois-tu? car c'est toi, une chanson de Sugar and Tiger, un projet sur lequel on peut entendre une vieille connaissance, hein, Didier Vampas. Et Didier Vampas, du groupe Les Vampas, donc, qui s'était un petit peu... il se répétait en fait pas mal depuis plusieurs albums, donc c'est intéressant de voir cette voix-là avec une voix féminine et une petite touche yéyé, là, donc c'est vraiment intéressant. Et Sugar and Tiger devrait sortir un nouvel album en janvier 2014, et je voyais qu'ils ont déjà du matériel là, depuis autour de 2010-2011, donc il faut aller voir ça déjà pour en entendre un peu plus. Avant ça, il y avait également du Gontard avec Entre bière et chien-loup. Également, dans le début du segment, il y avait du Billy and the Werewolves et Cobb également au tout début du segment. Donc, restez à l'écoute dans quelques instants. C'est Zika Mendes qui s'en vient avec son émission La MyFi, toujours excellente. Et sinon, pour retrouver la liste des chansons, pour écouter l'émission, ça sera disponible dans quelques minutes sur le CISM893.ca. Sinon, les archives de l'émission, elles, c'est sur leterminus.ca que ça se retrouve. On va se quitter avec le trio californien You, Me and Huss. C'est vraiment... c'est ça, c'est un trio, je l'ai dit. Ils font une espèce de pop garage là, assez lumineuse, donc parfait pour l'été. Ils ont un EP qu'ils ont sorti la semaine dernière sur Bandcamp. C'est sur le You, Me and Huss band.bandcamp.com. Alors, c'est pas mal ça qui va conclure l'émission de cette semaine. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle le vendredi prochain, 21h, pour l'émission Le Terminus. Ciao! Zoofest! Présenté en collaboration avec Slimune et propulsé par Sion. Zoofest a 5 ans! 5 ans à te faire découvrir le meilleur du nouveau. Du 4 au 28 juillet, viens voir ce qui se fait de plus hot en humour, musique, théâtre et cabaret. Plus de 100 spectacles pour vivre la folie du festival le plus déjanté à Montréal. Achète ta Zoopass, seulement $49.99 pour voir tous les shows. Disponible au 514-509-5273 ou au zoofest.com. En vente chez Couche-Tard jusqu'au 11 juillet.